Quand le soleil se couche ici, il se lève là-bas. Quand le soleil se couche ici, il se lève là-bas. Si tout homme qui vit doit mourir, alors nous sommes morts déjà. C'est la divine loi. La vie, c'est comme ça. On n'a rien demandé, Dieu nous a donné cette tranche d'éternité qui nous a enfantés. Et le navire de la vie vogue sur les flots de l'infini, vers les rives de l'infini. Que l'océan me dit. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. C'est ce que les étoiles écrivent. C'est ce que les étoiles décrivent. L'homme qui vit doit mourir, alors nous sommes morts déjà. C'est la divine loi, l'éternité est là. L'éternité, c'est ça. L'éternité, c'est ça. L'éternité, c'est ça. Ma poissonnière est là. Quand le soleil se couche ici, il se lève là-bas, et sur l'autre rive, quelqu'un nous attend déjà. Quand le soleil se couche.